secrets numéro 007. De toutes les situations, je sais m'en tirer sans trop problème. Car au centre d'entraînement, on m'a appris à être vainqueur. On m'appelle James Bond, me dirait d'où qui c'est celui-là. On m'appelle 007, un code pour mes supérieurs. De Thaïlande jusqu'au Mexique, les pires ennemis. James Bond, fais gaffe à la blonde derrière toi. James, attention au poison dans ton whisky de chien. Oui, James Bond. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. On m'appelle 007, un code pour mes super.